chez lui de moins en moins fini, la vue de plus en plus basse, affleux et chin chin trinque en heure du temps qui passe. J'ai des lunettes, cul de bouteille, de vieux souvenirs adultères, l'habit en sommeil, dès le 14e vers de ma vie lumineuse, pressentons le crépuscule, je bannis les solutions aqueuses, même si je crains la canicule. J'aurai bientôt un caniche, une petite peluche pour vieux, j'utilise toujours mes fonds kitsch et contagieux. Assassine, mes tempêtes de crâne et ma petite infirmière mutine connaît le flot de mes arcanes. Et quand notre bateau ivre sur mes écueils se fracasse, nous restons à quai le temps de la marée basse. Je deviens quinquagénaire, un vieux con qui s'ignore, mais j'en ferai la pierre angulaire de mon côté hardcore. C'est vrai qu'à 50 ans on peut enfin dire nos futurs, alors je réveille le peuple une dernière fois, pourvu que ça dure.